Maintenant, c'est la fin de l'émission. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on vous retrouve demain, Inch'Allah, une heure avant Salat al-Fajr, et demain de 20h à 22h, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Scénario, mais tu le refais quand même. J'suis dans l'Audi, dans le Quattro. Et madame voudrait l'anneau. Ouais, madame voudrait l'anneau. Elle voudrait que je l'emmène. J'suis dans la street, dans le barrio. Et quand je rencontre les frérots, c'est bizarre, mais j'ai peu de noms qui traversent ma tête. La carré VIP remplie de l'obsa. Mais si je lui raconte nos vies, je crois que je vais rendre fou le psy. Il est musclé, il fait l'ancien. J'ai juste envie de le crosser, histoire de voir sa grande bouche éclater sur le sol. Élève-toi tôt si tu veux bosser. Je l'ai promis à mes prochains. Je peux pas foirer les projets. C'est pour ça que je m'isole. Ouais, c'est pour ça que je m'isole. C'est pour ça que je m'isole. De brigand, une jeunesse de l'os. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. J'étais bien ici, mais je rêvais d'autre part. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. J'étais bien ici, mais je rêvais d'autre part. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. J'suis dans la suite à Monaco, une boule à Z d'un braco. Tu connais déjà le scénario, mais tu le refais quand même. Ouais, ouais, tu le refais quand même. Hey. Hey. J'arrive en fond de cinquième, derrière eux sans ceinture, ils veulent freiner. On sort les outils, je crois qu'il n'y a plus personne pour vous sauver. Et regarde bien le CV, en ce moment ça va plus que bien. J'en ai plein le disque dur, j'ai le FLW qui les rend gueudins. Et j'ai fait le TP de mi-temps, 3 litres 2, je monte à 200. 2019, j'ai la PEF et les balles perdues, je retrouve dans ton camp. 2019, j'ai la PEF et les balles perdues, je retrouve dans ton camp. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. J'étais bien ici, mais je rêvais d'autre part. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Comme c'est pequeño, comme Tony, comme Sosa. J'étais bien ici, mais je rêvais d'autre part. Une vie de brigand, une jeunesse de l'os. Radio Sud. Says she tired, little money, need a big boy. Pull up 20 inch blades like I'm Lil Troy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the liquor. G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon, G-Wagon. All the housewives pulling up. I got a lot of toys. 720S pumping Fallout Boy. Talking shit in the beginning. Back when I was feeling unforgiving. I know I pissed you off to see me winning. See the hit glue in my mouth and I be grinning. Yeah. 100 bands in my pocket, it's on me. 100 deep when I roll like the army.

Radio Sud. Besançon. Besançon. 101.8 FM. Can I tell you something just between you and me? When I hear your voice, I know I'm finally free. Every single word is perfect as it can be. And I need you here with me. When you lift me up, I know that I'll never fall. I can speak to you by saying nothing at all. Every single time I find it harder to breathe. Cause I need you here with me. Every day you're saying the words that I want you to say. Radio Sud. Radio Sud. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, on est là, on est là. Désolé, on a un peu de retard. C'est pas grave, on va prendre notre temps quand même. C'est le décalage horaire, c'est vrai. On est là pour l'émission spéciale de CDG ce soir, donc Big et Zif qui sont venus directement de Vesoul avec l'équipe. Ça va ou quoi les gars ? Ça va, tranquille. Tranquille, vous entendez bien là, faut me dire parce que... Ouais, c'est plutôt pas mal. Moi ça va, bon nickel. Ok, donc je vous explique un petit peu le déroulement de la soirée. En gros, vous avez une bonne heure pour vous. Donc on va faire une interview, vous poser plusieurs questions, diffuser les morceaux et puis on terminera par un quart d'heure de freestyle. Donc si j'ai bien compris, je crois qu'il y a du monde là qui est là pour freestyler aussi, donc ce sera le moment de... Ils vont rien nous laisser, ils vont prendre les micros. Vous allez prendre tous les micros, vous allez prendre possession de la radio en fait. Ils vont rien nous laisser. Attends, moi juste petite parenthèse, moi quand j'ai vu qui on recevait... Je commençais à faire des prières, tout ça, je priais. J'ai vu, on reçoit Big. J'ai vu B.I.G. J'ai fait « Oh !» J'ai vu, on reçoit CDG. J'ai vu Charles de Gaulle. J'ai fait « Oh !» J'ai vu, on reçoit Zif. Ouh ! J'ai fait « Oh !» On reçoit trois bougs morts. Après, les connexions sont bizarres quand même. Ah oui, c'est chelou, c'est chelou. Tu me dis B.I.G., Zif, ou déjà... Ah, tout est possible, ouais. 2019, frère. Ouais, c'est vrai. Ok, donc... Avant de commencer directement l'interview, nous on a un petit rituel avec nos invités. En gros, c'est on a fait un jingle, on s'amuse à faire un jingle, et en fait ce qu'on aime bien, c'est que les invités nous fassent un jingle, tu vois. Donc on va vous le balancer, vous écoutez, et puis après vous nous faites un petit truc a cappella, tu vois. On est sur Radio Sud 101.8, radiosud.net, tu dis ce que tu veux, tu vois. Je peux même lâcher un 16 mesures, il y a R. On a le temps. Vous êtes prêts ou quoi ? On est prêts, vas-y. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ça à vous. Comme ça, a cappella. A cappella. Hein. Vas-y, je vais te laisser entamer ça tranquille. Vas-y, tranquille, commence. Vous battez pas les mecs. Ouais, c'est chaud quand même ce que tu demandes là. Moi, je suis pas un grand. J'aime pas trop l'impro alors. Juste là, un petit big up. Zama, c'est big sur Radio Sud. Attends, remets-lui un coup de jingle. Laisse-le s'imprégner du truc déjà. Vas-y. Toi, tu vas me payer, toi. Ouais. Ça sème tout ça. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Ok, c'est CDG sur Radio Sud. J'ai ramené l'équipe et pas mal de stup. Ah, voilà. Hey, c'est le premier qui nous fait une rime, tout okay, ça. Ok, maman, c'est pas vrai, y a rien de ça. Il ment. Ok, bien vu. Ok, donc CDG. Alors déjà, je voulais savoir, c'est quoi, ça veut dire quoi CDG, du coup? Ça veut dire la cour des grands. La cour des grands, ok. Ouais, parce que du coup, j'ai cherché un peu et j'arrivais pas. Cour des grands, ouais, tout okay. Court. Ok, cours des grands. Ouais. Moi, je t'ai dit, hein, j'ai atterri sur des Charles de Gaulle, des aéroports. Non, t'en étais loin. Des porte-avions. Ah, c'est la guerre, ça. Donc, la cour des grands. Donc, CDG, et où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux? Si là, il y a un auditeur qui veut vous ajouter ou... Moi, je suis sur Facebook, Zif et la Diff. Sinon, Snap, Zif officiel. Zif officiel. Voilà. Sinon, il y a YouTube. Là, c'est mon YouTube, Big Officiel, mais je balance les morceaux de la CDG dessus. Ok. Voilà. Parce que on n'a pas de page YouTube, voilà, c'est des jeux. Ok. Et j'ai vu, Zif a donné son Facebook, mais j'ai vu que tu avais publié un grand message sur Facebook. C'était quoi? Comme quoi c'était mort comme les gilets jaunes. Ah ouais, Facebook, c'est Facebook qui était mort, c'est tout. Ok. Voilà, okay. J'étais plus dessus parce que je voyais plus trop l'intérêt d'être dessus. Tu vois. Ok. Voilà, c'est pour ça. Yes. Ça sert Snap ou Insta. Comme les jeunes. Ouais. T'as raison. Ben, Snap, du coup. Vous pouvez répéter vos snaps là que les gens ils puissent vous ajouter. Moi c'est Big 70000. Moi Zif officiel. Ok. Voilà. ZY. Hein. Ouais, ZY. C'est pas la faute. C'est yes. Ça. Ok. Bon, ben ce que je propose c'est de diffuser le premier morceau. Donc c'était Vidaloka. Vidaloka. Si je me trompe pas. C'est un morceau qui est sur le YouTube déjà. Ok. Eh ben allez écouter ça sur la chaîne donc de Big officiel. Big officiel, c'est ça. Allez regarder. Et puis après on passe directement aux questions. Hein. On va pas perdre de temps. Bien sûr. Ok. Bon, voilà. Yes. Au millimètre, n'essaie pas de me la mettre. Tu n'es un kilomètre de là où je traîne. Mon cartel il est mortel, un petit feu, il va tous nuctel. Le calme en vola, tempête, je les ai. Je les garde de côté, je sais qu'ils ont peur de la vérité. Tu sais où me trouver, je commence à déranger. Ça va pas m'empêcher de continuer. Qui sache bien, à ma vue vous êtes des étrangers. Et s'il faut de la carte, je vais vous rayer. J'ai plusieurs possibilités, habilités à tout niquer, qualité, quantité. Mon rap comme un grand facile est chargé. Dans mon coin, tu peux rager. Attends les billets, je suis en train de les recompter. Je suis dans mon coin, je me pète un joint. Je m'en bats les couilles de ceux qui peuvent raconter. C'est la Vidaloka, je déroule comme le Barça. Petite villa du côté de Marbella. Recherché partout comme Isaya. J'appelle l'avocat. Je sais pas comment ça se fera. Non, comment ça se fera. C'est la Vidaloka. Ouais. Je déroule comme le Barça. Ouais. J'ai besoin d'un avocat. Ouais. Grosse pile qu'on veut. Ouais. La veste est à l'envers. Ouais. Grosse pile qu'on verse. Bois qu'on whisky pur comme ton grand-père. J'baisse dans la dentelle. Dis ma drogue, elle est auditive. Dépassement à la hume qui tire. Sur le pont, rien qui rumine. Mais c'est Gabi qui domine ta ville. Car chez moi, tout ça. À la chaîne. J'vous vois up comme le boule à Shaim. À l'éreil, à la tienne. On n'en pas quand tu remplis une salle. C'est la Vidaloka. J'déroule comme le Barça. Petite villa du côté de Marbella. Recherché partout comme Isenia. J'appelle l'avocat. J'sais pas comment ça se finira. Non, comment ça se finira. C'est la Vidaloka. Ouais. J'déroule comme le Barça. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. J'ai besoin d'un avocat. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Mais quand ça se finira. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. CDG, Ziff, Big, l'équipe, 7-0. Radio Sud. La 25ème, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h minuit. Radio Sud.net. 101.8. Yes. Donc Vidaloka, le son disponible sur Big Officiel sur c'est YouTube. Ça, allez voir ça, allez voir ça. Ok, donc on va passer directement aux questions qu'on vous a préparées. Ça, c'est assez simple en fait. On a deux grands thèmes. On va faire un peu l'historique, ouais, voir de quoi vous êtes parti. Et puis après, on passera plus dans le côté anecdote, point de vue. Okay. Tu vois, un peu plus en profondeur. Tu vois. Ouais, cool. Donc déjà, là, Jounès, quand il est arrivé, la première chose qu'il a dit, c'est la tranche d'âge là, que vous avez ramené. C'est pas une tranche d'âge. C'est pas des jeunes, hein. C'est pas des jeunes. Vous avez quel âge, vous? On est obligé de dire ça? Non, après, tu peux donner une fourchette. Moi, Ziff, 31, normal. Ok. Moi, j'ai 35 ans. 31 et 35 ans. Et... Ça fait longtemps qu'on est là. Tu sais quoi, je t'ai coupé, mais j'aime bien quand on t'entend pas, en fait. Tu me boycottes. Ah, maman, je suis là. Ok. Là, c'est nos grands frères là qui sont à notre table. Vraiment. Yes. Faut faire attention à ce qu'on va dire. Mon papa, frère. Nobio aussi, Nobio, t'as quel âge? Hein? 30 ans. 30 ans. Ah, d'ailleurs, ouais. J'ai oublié. J'ai ramené un peu de jeunesse. Hein. Ouais, on a de la jeunesse. Ouais, c'est vrai que c'est intergénérationnel quand même. Mais j'ai oublié de dire au début de l'émission qu'il y avait plusieurs mecs qui kick autour de la table. Ah ouais, on a donc, il y a Nobio qui est là, il y a Zama. Ouais, y a Balo, si je ne me trompe pas. Balo. Zama, Balo. Mani. Mani. C'est bon. Hein. Faudra filmer ce freestyle. Hein. Ok, on va filmer de toute façon après. Yes. Donc. Si je ne m'abuse, 70, vous êtes les premiers du... Si je ne m'abuse, vous êtes les premiers de la Haute-Saône qui viennent dans l'émission. Donc déjà, pour ça, big up. C'est cool. Ça fait plaisir. Donc, vous rappez depuis quel âge, à peu près, ou depuis combien de temps? Ah, ça fait longtemps. Ça fait, je sais pas, depuis 17, 18 ans, tu vois. Ouais. Ah ouais. Ok. Sur les cassettes, moi, j'ai commencé. Ok. Ah ouais. Ouais, ouais, okay. Sur un post karaoké, gros. Donc ça c'est bon à savoir. Si tu faisais comment sur les post karaoké en fait? Bah tu sais, je prenais des instrus. Je sais même plus comment je les trouvais. Moi j'avais un pote qui avait ça. C'était KSA, tu vois. Celui qui rappe avec moi, un de mes collègues aussi. Et puis ouais, c'était un post karaoké. On arrivait à enregistrer dessus une voix. Il y avait pas de bac, rien du tout. Hein. Ok. C'était juste une piste de voix, quoi. Lourd. Voilà. Lourd. Ouais, lourd. Je sais pas, mais. Bah en fait, non mais lourd. C'est un début, tu vois. En fait, faut. Parce qu'il y en a beaucoup qui croient que, tu vois, parce que maintenant c'est tellement facile en fait de. Ah bah ouais, maintenant c'est pas. Aujourd'hui, c'est t'achètes un micro, t'as un PC qui tient la route, et puis ah voilà ouais, quoi, clair. Tu vois. C'est clair. Donc, non, tu c'est peux bien. Faire des choses, ouais, c'est sûr. Ok, donc on va dire la trentaine, tu vois. Ouais, ouais c'est bien ça. Plus ou moins la trentaine. Et vous avez commencé comment? Est-ce que c'était. Comme ça, une envie de après, décrire. Moi, j'ai commencé à part de lui, en fait. Ok. C'est connu après. Ok. Moi, j'ai commencé avec Brahms, bah, je connais, avec Nobio. Après, j'ai rencontré Bi. Ah, voilà, c'est comme ça. J'ai rencontré Zama, j'ai ramené Balo. Ok. Et voilà, c'est fait comme ça. Vous deux, la connexion, c'est quoi? C'est à 10 mois, un mois, un non, an? Non, non. Avant? Non, moi, c'est fait à mes débuts, quoi. Ça faisait quoi? Un an que je rappais, et puis je l'ai connu. Parce que ça fait une dizaine d'années qu'on se connaît. Ok, parce qu'en regardant bêtement la page YouTube, en fait, on voit que t'es tout seul. Ouais. Et puis il y a un an, 10 mois, ouais. Bam. Parce qu'avant, c'est vrai qu'on a, moi j'ai eu un gros arrêt, tu vois, où on faisait des choses mais on publiait pas, quoi. Ok. C'était on. Après, les faisait mais pour nous, quoi. Ouais. Moi j'avais mon YouTube, j'en ai plus. Ok. Mais j'en avais un. On peut le retrouver, non? Non. Supprimé. Ah, t'as de la chance, hein. on aurait fouillé jusqu'au bout. Ah ouais, là, t'aurais pu, parce que lui, il en a une paire en plus sur lui. Tu vois. Ok. On va se m'aurait dit, je t'aurais ramené. Hein. Ok, donc, moi, j'avais aussi une question sur les blazes. Est-ce que vous avez déjà eu d'autres blazes avant ceux que vous avez? Ouais. On veut savoir. On veut tout savoir. Comme ça, on va aller chercher sur Dailymotion, MySpace et tout. Skyblog. Putain, ah, moi, c'est Ziff, c'est mon blaze depuis tout petit, on m'appelle comme ça. Ça restait comme ça, Ziff. Hein. Moi, c'était Big Blem avant. Big Blem. Ouais, c'est vieux ça. Tu te souviens, Nobio, non? Des gros problèmes. Voilà, c'était ça. Ok. Un grand problème, parce que Big, c'est grand. Ah, ok. Je ne comprends pas l'anglais. Ok, donc CDG, cours des grands. C'est ça. Ok. Et puis moi, j'avais une question, parce que du coup, il n'y a pas très longtemps, j'ai retrouvé un CD, il y avait écrit Esthétique dessus. Ah ouais. Donc, est-ce que tu peux me parler d'esthétique un peu? Esthétique, c'est mon collègue, c'est KSR que je te parle. Okay. Je crois que tu le connais. Yes. Tu vas le voir. Voilà, mais on n'a jamais fait de projet réel ensemble. D'accord. C'est toujours, c'est un pote, quoi. C'est un ami, et on okay. ensemble, quoi. Yes. Très bien. Parce que du coup, tu vois, quand. Si je tape sur Google. Si je tape rap Vesoul, tu vois, les premiers qui apparaissent, en fait, c'est toi et Brahms. Ouais. Tu vois. Donc, je me demandais, par rapport au rap à Vesoul, s'il y avait d'autres artistes, entre guillemets, que vous metteriez en avant, ce serait qui? Parce que peut-être que, moi, on va dire, je connais un petit peu, tu vois, je vois un petit peu qui rappe là-bas. Ouais. Mais pour les auditeurs qui connaissent pas forcément, est-ce que tu mettrais des mecs en avant, tu vois, de chez toi, ou plus ou moins, tu vois? Tous ceux qui sont là, s'ils sont là, c'est qu'on... On souhaite okay. les mettre en avant, tu vois. Yes. Ça, c'est sûr. Après, il y a toujours des autres personnes, mais on ne peut pas ramener tout le monde. Le maire. Mais... Le maire, il fait du rap, le maire à Vesoul. Non, tu connais pas? Non, je pense. Je ferai. Ok. Non, mais les gens qui sont ici, ouais, c'est pour les mettre en avant, ça, c'est sûr. Très bien, très bien. C'est bien parce que bon, après, j'ai retrouvé des vieilleries, donc on en parlera après, tu vois. Ouais, j'imagine. Tu voulais dire quoi, Zif? Excuse-moi. Ah, je voulais mettre juste en avant, je peux mettre en avant Incognito. Un pote okay. à moi, il est en train de faire un clip et tout. Après le Ramadan, Inch'Allah, il va sortir son truc. Quoi. Ah, mais d'ailleurs, c'est Brahms qui le fait. Ouais. Ah, ouais, c'est, ah, ouais, c'est Brahms. Okay. C'est Brahms qui le clip et tout. Ok, on a vu le teaser. Ouais. On a vu le teaser sur Facebook. Ouais, ouais. Mais du coup, il est masqué ou quoi, le mec? Ah, Incognito. Ouais. Non, mais il est masqué ou? Ah, inconnu. Ok. Vas-y. Ok. Bon, bah, on va regarder ça. Ça sort quand, vous savez ou... Non, pas du tout. Non, c'est pas. Okay. Ah, début juin, je pense. Ok, très bien. Et du coup, en dehors du rap, c'est quoi? Travail, famille, sport, hobby? Famille, voilà, c'est tout. Hein. Famille, travail. Ah, travail. Puis quand j'ai le temps, je vais s'arrêter chez Big et puis c'est tout. Hein. Ok, yes, donc c'est vraiment un passe-temps, quoi, le son. C'est, vous en faites, ouais, pas une, voilà, priorité dans votre... Après, ouais, on en a déjà fait une priorité. Je cherche à transpercer, moi. Ok, ok. Voilà. Vas-y. Non, on prend ce qui vient. Très bien. S'il y a des scènes, on les prend. S'il y a des choses à faire, on prend. Sinon, si tu veux faire. Je t'ai dit, ils vont prendre les micros à la fin. Ok. Bon, moi, j'ai un petit jeu à vous proposer. C'est le texte à trous. En fait, on a plein de petits trucs comme ça qu'on fait avec les gars. Donc, je vous ai préparé un texte. Je vous lis le début du texte, chacun votre tour, et puis vous finissez le texte. C'est assez simple. C'est très, très simple. Vous allez vite comprendre. Merci, gros. Merci. Explication de... Alors, Zif, si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis... Explosif. Avec la rime. Hein. Ah là là. Tout est calculé. Ils vont répondre en rime. Bien joué. Donc, Big, si je devais me définir en un mot, je dirais que je suis... Bigovic. Bigovic. Ok. Oh, il n'y a rien à gagner après. Hein, vous... non, parce que je vois les réponses. On dirait qu'il y a un palier à franchir, tu vois. On est aux 48 000 euros. Tu vois. On va appeler un ami, tu vois. Je peux utiliser un joker, moi. Alors, bon, bah, du coup, je recommence du côté de Big. Ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est... Mes enfants. Mon plus grand regret, c'est... Bah, j'en ai plein des regrets. Alors là... Si t'en as un... grand regret. Avouable. Avoir fait du mal à ma daronne. Ok. Yes. Du coup, je te la repose aussi. Oui. Zif, ma plus grande fierté aujourd'hui, c'est... Bah, c'est mes enfants, ma famille. Hein. Et mon plus grand regret? Plus grand regret, bah... J'en ai pas de regret. Ok. Pas trop de regret. Pas de place pour les regrets. Ok. Zif, ce qui m'énerve le plus chez l'homme, c'est... Ce qui m'énerve le plus, sa naïveté. La naïveté. Mais je crois plus que tout en... En Dieu. Ok. Très bien, très bien. Big? Là, Big, normalement, il a plein de trucs à dire. Hein, parce que dans ses textes, il dit plein de trucs. Hey, même, j'ai écouté les trucs, je fais « Ah, c'est un gars bien, lui. » Donc du coup, Big, ouais. Ce qui m'énerve le plus chez l'homme, c'est... Il écrase des mille pattes. L'homme. C'est l'homme? Ouais. Ok. Mais je crois plus que tout en... En l'homme. En l'homme. Ah, c'est okay. Vite, ah là là. Voilà, vite, voilà, ciao. La philosophie. Allez, quoi. Bonne soirée. Et ce soir, dans la 25e. Non, là je non non lourd lourd lourd lourd lourd. Ok, hey, gros, on n'est pas avec des petits. Ah ouais ouais. Calme-toi. Mais... Ouais lourd lourd. Mais là je vais revenir en mode j'ai 12 ans d'âge, j'ai écouté un peu les sons puis je me suis permis de modifier vos sons, les sons. Donc je vais juste vous faire écouter puis vous me dites ce que vous en pensez de mes petites modifs. Hein. C'est totalement puéril, tout ce que vous voulez. Je vous mets ça, attendez que je retrouve ça. Hop. On commence par Big. On peut mettre dans le studio aussi pour que j'entende. C'est parti. Comme à l'époque de Tadou, je m'achèterais même un tatou. Il y aura plus de Facebook, de Twitter, de Badou. Je lâche tout. Hop là, j'ai fait un petit fait là. Elle est belle. Voilà, j'ai 12 ans. Ah, j'avoue, elle est belle. J'ai 12 ans, excusez-moi. On me l'avait déjà fait en plus. Pas de surprise. Tu vois, ça veut dire que t'es encore un petit, tu vois. Ouais, mais je suis un petit peu. Non, mais j'ai 12 ans. Me choper, elle est belle, elle est belle. Me choper pas derrière c'est après. C'est derrière mix. Ok. Maintenant, j'en ai une pour Zif. Après, on va écouter tout. Non. On va écouter tout un couplet, par contre. Tu rentres à Vesoul après. Ah putain, dans le coffre. Vas-y, tu peux balancer. Je m'en balancerai dans la tendance. En moi j'ai confiance, je mène la danse. Je n'ai pas peur de la concurrence. Ma souffrance est mon essence. C'est une évidence, je monte en puissance. Toute mon adolescence n'a été que violent. Je me fie pas aux apparences. Je conserve mon indépendance. Moi et eux, on n'est pas sur la même fréquence. Mon expérience m'a appris la souffrance. Même quand y'a urgence, c'est pas besoin de leur alliance. J'avance dans la prudence. Envoie la substance que je stimule mon intelligence. Mon intelligence. Pris entre la vengeance et mon indulgence. C'est dur de faire confiance. J'ai mes années d'insolence. Mais j'ai pas manqué de clairvoyance. Ça doit être mon côté prédominance. Qui doit les mettre en tranche. Je ne vise que la performance. Si j'assure ma descendance, j'entre dans la zone de turbulence. Ils repartent en ambulance. Mon influence fait monter l'audience. Fait monter l'audience. Ouais, c'est ma romance. Percé à la violence. Et à la souffrance. Délinquance, ordonnance, pas de chance. Il manque une rime en anse. Jeune trans. Par contre, celle-là, elle est bien vue. Franchement, non. DJ Jones. Pas mal. Je fais des mix, je fais des remixes. Non, lourd, par contre, t'as tenu tout le couplet comme ça, tu vois. Ah ouais, en soi, elle est forte. J'ai écouté une première fois comme ça. Je fais, mais wesh, il veut pas changer. J'ai réécouté, non, bien vu. Bien joué, bien joué. Après, il y a la fouine qui t'a complété, t'as vu? Si, si. Ah, c'est bon pour moi. Pas mal. C'est tout pour toi. Ouais, c'est tout pour moi. Okay. J'ai 12 ans, c'est bon. Bon, sur cette petite interlude, moi, je propose de passer le son Bonne Nuit. Yes. Donc, il y avait Bonne Nuit et le son qu'il y avait juste après, c'était Benef. Ouais. Donc, je passe les deux de suite. Parfait. Après, on continue un petit peu l'interview. Ça vous va? Pas de souci. C'est parti, la 25e, on est toujours là jusqu'à minuit, il n'y a pas de souci, restez branchés, radiosud.net, 101.8, on est là, l'émission spéciale CDG, Big et Zif, yes. J'ai le feu qui nique, mère, t'as le feu qui vite fait, on vient de la côté, je te déçois ou je te mets bien comme un test de grossesse, je vois plus le monde un peu que par ses grosses fesses, qui veut des prothèses. Seul Dieu nous jugera, c'est lequel qui protège. Je tire sur un cul gras, un pilon obèse. Mes gars ont tous des gros calibres. Font plus de crimes que de vocalise. Prêt à tout, même la cocaïne. Avec le sourire de Mona Lisa. Je parle pas de YouTube quand je dis que je vais monétiser. Même quand je les nique, je mets des crochets stylés. Big. CDG sans le all. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne weed. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG, sans le all. CDG, c'est les tauliers. Taulier. CDG, ça sent la bonne weed. Bonne weed. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. Non, CDG, c'est une obligation tout niquer. Je pars en mission flow RS4, je la glisse comme un kit 4. 4-4 tout terrain, MT1, donne-moi la main, on a rien sans rien. De la termine en missionnaire ou à 4 pattes. Trop sadique, j'en fais mouiller mon style oblique. Laisse-les croire, je suis en chien. Ziflou, on m'a jeté au loup, j'en suis revenu chef de la meute. Je débarque, je provoque une émeute en raffole. Mais s'il te plaît, fais pas la folle, j'ai pas le time pour tous ces mongols. Trop vénère, ils le savent. Je baise leur mère, les mets à terre. Mon barreau c'est du fer, je crache de l'acide. Mon rap est toxique pour les minots. Anti-michto, je tue à la weed à 3 balles de loquille. J'en fume toute la ville. CDG sans le all. CDG, c'est les tauliers. CDG, ça sent la bonne weed. Bonne weed, c'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG sans le hall, hall, hall. CDG, c'est les tauliers. Tauliers. CDG, ça sent la bonne weed. Bonne weed. C'est du mat, je vous dis bonne nuit. CDG sans le hall, hall, hall. CDG, ça sent la bonne weed, bonne weed, bonne weed. CDG sans le hall, sans le hall, hall, hall. CDG, ça sent la bonne weed. Bonne weed. Ah, bonne nuit. CDG, CDG, c'est les Zipig, Balomani, ça sent la bonne nuit. Zama, c'est du mal. Je peux dire bonne nuit. Yeah, la 25e, on est toujours là. C'était le son bonne nuit de CDG, Big et Zif. On envoie la suite directement. Le son, c'est Benef, les gars. Bang. Le chiffre. Bene. Bene. J'claque du bif, le seum du rire. Moi c'est si je vais faire la diff. C'est chambé, j'suis cramé grillé. Dans CDG, j'vais tartiner sur la calache. Ils vont tout j'tard, j'suis dans le four. Laisse les faire les sourds, j'suis en bas de la tour avec ça nettoie. J'vais rentrer la maille, j'suis un homme, faut que je graille. Nique leur mère, à tout ça à taille. J'suis une caille, aucune faille. 6.3, j'te dis bye bye. J'sors mon troisième doigt, j'appuie sur la gâchette. J'rafale, j'mitraille. Je claque une trois tailles. Ah ouais mon pote, je suis chaud pire que la veille. J'ai trouvé mon sommeil dans mon réveil illuminé par le soleil. J'humide, me défonce à la weed. C'est le week-end, ça va ken. Laissez avoir la haine. Y'a pas que sur la balance qu'on pèse. Débordement à la marèze. Chaudard le DZ en mode de barbare. Accompagné de mon rital, y'a l'arsenal. Ça c'est vital. Bénéfice, béné, bénéfice. Béné, bénéfice. On kidnappe même ton fils. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. On kidnappe même ton fils. Béné, béné, bénéfice. Bénéfice. Béné, bénéfice. Bénéfice, bénéfice, bénéfice, bénéfice. Y'a la mégane qui tourne, mais y'a personne qui touche. Dans y'a personne qui bouge, on est pas gentil. Y'a son combo qui bouge, toutes les racailles qui chouvent. Mais y'a personne qui touche, on est venu chanter. À toi, faut pas tester le crew, y'a des fous partout. Des lobes ça partout, c'est les gilets l'équipe. On leur fait chaque trou, c'est les gilets bénis. Ouais, par chaque four, l'hiver, c'est la foule que j'alimente. Comme des galinettes, on est rare. Tu nous trouves à la buvette, rap ta dans le verre. T'as la tête dans la cuvette, c'est pas rap qu'on t'enterre. Nous on t'enterre, rare comme une panthère. Que des coups d'air, y'a rien que ton père. On encule ta mère, on encule ton père. C'est léger grand spiff, c'est léger grand verre. Bang, bang, bang, bang. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. On kidnappe même ton fils. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. Béné, bénéfice. On kidnappe même ton fils. Béné. Béné. Bénéfice. Bénéfice. Béné. Bénéfice. Bénéfice. Bénéfice. Béné, béné, béné, bénéfice. Radio Sud. La 25e, tous les jeudis. Tous les jeudis. Ciao, Jounès. 22h, minuit. Crac-crac Radio Sud.net. 101.8. Yeah, la 25e, c'était le son Bénéf. Et le son d'avant. Bonne nuit. Bonne nuit, merci. Merci. À retrouver sur la chaîne YouTube. Ouais, les deux. Non, pas Béné. Pas Béné. Béné, okay. C'est une exclue. Ok. On n'a pas balancé. Ben merci. Merci pour l'exclue. Bon, moi, je l'avais déjà écouté. On l'avait envoyé. Ouais. Tu l'avais balancé dans une émission. Je l'avais déjà mis. Ouais. Excuse-moi, Jounès, ça fait deux fois que je te coupe, mais c'est bien. J'aime bien, moi. Si tu veux pas que je parle, tu me dis, frère. Hein. Oh, frère. Oh. Les gars, on va répondre tac au tac. Trois artistes références pour vous. Là, boum, boum, boum. Wow. Allez, on va dire, allez, deux chacun. Deux artistes référents chacun. Je te dis deux, Niro ou Kerry James. Niro, Kerry James. Ouais, Kerry James aussi. SCH. SCH. Ah ouais, okay. Ah. Ok. Ah ouais. Ah, j'aime beaucoup. Ah ouais. Oh, c'est bien. C'est bien, ouais, c'est bien. Je suis choqué pour le... Enfin, choqué. Non. Pour le SCH, tu vois, je m'attendais plus à un autre truc. Mais... Tu voyais quoi, toi? Plus à l'ancienne. Ouais, ouais, ouais. Oh non. Je suis pas sur l'ancienne. Ok, ok, ok. Ouais, mais ça se voit que, en fait, ça se voit que vous n'êtes pas bloqué, entre guillemets, dans l'ancienne époque du rap. Bien parce sûr. Que même là, le son, là. Bénéfice. Tu vois, le son. Le, ouais, ouais, on essaie de positionner. Tu vois, le tempo un peu élevé, tout ça. Tu sais, je me dis, en vrai, il y en a peu d'anciens, de mecs de la trentaine, tout ça, qui oseraient le faire, tu vois. même il y a déjà, tu t'es déjà essayé sur Afrobeat aussi, j'ai entendu son nom. Ouais. Donc il y a pas de Afrobeat, yes. Ouais. Ok. Le morceau du moment là qui tourne en boucle là, que vous aimez bien, Zif. Mon rap français. N'importe, hein. Là ton morceau là. Là tu vas dehors, tu pètes ta clope, t'écoutes quoi? Fais l'enfoiré. Ok, lequel? N'importe. Les méchants. Les méchants. Ah, ce son il est incompris, je comprends pas ce son. Je comprends pas ce son, mais il est lourd, lourd. Faut que tu sois méchant pour que tu comprennes. Ah, ouais. Maman, je suis gentil. Et Big, le morceau du moment? Pour taper la clope là. PNL. Ouais. Zulu Cheng. Ok. Zulu Cheng. Ok. Est-ce que vous écoutez que du rap? Ouais. Rap américain. Ouais, ça reste du rap hein, au final. Ouais. Ouais, sinon, rap, rap. Rap, rap, hein? Ouais, rap, rap. Pareil? Ouais. Ok. Dans quel délire vous êtes en ce moment? Est-ce que vous projetez ou pas? Est-ce que je vous dis par exemple, vous voyez où là dans 3 ans? CDG dans 3 ans? 3 ans? Ouais, je sais pas. La retraite, non? La retraite ou quelque chose? Ah, je sais pas. Là, vous êtes plus sur la phase descendante ou vous êtes plus accroché? Non, on est sur la phase montante. Après, on a des projets et puis on verra bien comment. On prend comme ça vient en fait. Ça dépend des moments, tu vois. Ok. J'ai une question. Une question, je pose ma question comme ça, juste sur les, enfin il a parlé d'avenir là, là demain je suis chef de label Def Jam Besançon, je viens vous voir les gars, je vous dis bon les gars, je vous veux dans mon label, je vous pose 1 million, mais il faut faire du cobaladé, vous y allez ou pas? 1 million par tête? Non franchement non. Après, je sais pas, le million, tu vois, faut me le montrer, si tu me le montres. Ah ouais, non, mais j'arrive, manette et tout. Tiens. C'est quoi du cobaladé? T'arrêtes de chanter, tu changes de voix, tout. Biggie, fais... la détail. Tu rappes comme bizarre, moi. Après, franchement, je critique pas et je juge pas, tu vois, chacun. Pour 1 million. Mais tu peux pas faire ce que tu sais pas faire, de toute façon. Non, mais on va t'apprendre, on va m'apprendre tout ça. On va gonfler ton compte. Pour 1 million de balles, tu y vas ou tu vas pas? Je prends le million et je te mets une carotte. Ok, t'es comme ça. Et Zif, tu fais quoi? Bah, je signe, donne les 1 million, c'est où hein? Oh, ok, non, des gens plutôt honnêtes. Ok. Pour avoir discuté un peu avec vous quand j'étais passé la dernière fois chez vous, j'ai cru comprendre que vous étiez pas mal sollicité pour des scènes. Donc, j'avais une question là-dessus. Vesoul, Haute-Saône, est-ce qu'il y a beaucoup d'événements rap? Est-ce qu'il y a beaucoup de structures? Est-ce qu'il y a des assos? Est-ce qu'il y a des studios? Comment vous enregistrez où? Enfin, après nous home studio, sinon je vais chez VLP. Ok. Collègue Azama là, vrai studio et tout. Et puis sinon voilà quoi, on se débrouille quoi. Ok. Il y a R à Vesoul là. Il y a R. Il y a que moi. Parce que en fait moi je sais que Big, souvent je te voyais beaucoup sur scène. Hein. J'avais vu que tu avais fait le lac. Il y avait eu en mai 2017, il y avait eu le Vesoul Urban Live. Ouais. C'était croisé là-bas. Il y avait eu, on avait parlé du concert que tu avais fait aussi dans l'ancienne usine, là où je sais plus trop. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle. Mais... Enfin, je te vois beaucoup sur scène, tu vois. Bah là, donc... un peu moins en ce moment-là. Tu vois, il y a toujours des phases, de toute façon. Il y a eu un peu de creux, mais ouais, du coup, je me demandais si vraiment, en fait, il y avait beaucoup de choses chez vous, tu vois, parce que nous, ici, c'est vraiment. El deserto. Ouais, c'est le désert ici en fait, tu vois. Donc je me dis peut-être que ça bouge un peu plus du côté de Vesoul et de la Haute-Saône. Ouais, peut-être sur les scènes, je sais pas. Ouais, sur les scènes, t'en as allez, 2-3 par an quoi. Tu peux en faire au moins. C'est pas ouf quand même, hein. Bon, c'est déjà mieux que zéro. Ouais, c'est plus vers l'été, tu vois. C'est, okay. C'est ces moments-là en fait. Mm-hmm. Ok. Que ça vient, tu vois. Donc c'était souvent avec le Cige, tu vois. Mm-hmm. Il y a quelqu'un aussi, j'ai lui trouvé vraiment des scènes quoi en fait. Ok, d'accord. Ah, mais c'est pas des événements hip-hop en général. Hein. Ok. Au passage, c'est dédicace à lui, Farid. Ouais. Ok, donc c'est un mec du Cige qui. Ouais, c'est ça. Okay. Bon, bah, big up Farid si tu nous entends. Puis vous avez parlé de VLP. Ouais, c'est VLP, c'est quoi? C'est un label. Sinon, Zama, si tu veux venir expliquer. Donc il y a Zama qui va nous expliquer. Ah, Zama, elle va expliquer. Lui, il est là. VLP Musique, si tu peux nous en dire un petit peu plus. Ouais, bien sûr, bah, VLP Musique, c'est un collègue à moi que j'ai connu il y a à peu près 5 ans. un rappeur à la base, qui s'est lancé dans le beatmaking en même temps aussi. Ok. Qui fait beaucoup d'instru. Faut aller voir la chaîne VLP Musique. Tu peux cliquer quoi. Ok. Ouais, donc, il tourne bien. VLP. Il y a beaucoup de prod. Ouais, moi je suis abonné. Ce que je disais à Zif, il envoie régulièrement des prods. Donc ouais. Allez voir. Ouais, il tourne en moyenne à une prod par semaine. Ok. Donc ça fait quand même. Ça en fait quoi. Ouais, ça job. 52 par an. Faut aller cliquer. Merci. Merci pour les chiffres. Big. J'avais une question parce que on n'a pas arrêté de me demander. Enfin, on n'a pas arrêté. Calmons-nous, tu vois. Mais ciao, mais en fait, au Vesoul Urban Live, donc qui s'est passé en mai 2017, quand t'es arrivé sur scène, donc moi j'étais dans le public, tu vois, et j'ai été avec deux trois poteaux de Bezac. Je sais ce que tu vas me demander. Et il y a Edinho direct qui m'a dit mais wesh, mais il y a Fianso il y a Fianso sur scène ou quoi, wesh, il lui ressemble tout ça, tu vois. Est-ce qu'on t'a déjà dit qu'avec ta casquette tu ressembles à Fianso? Je te dis, on m'a déjà envoyé des snaps quand j'étais sur scène, des gens je connaissais pas, ils avaient marqué Fianso en dessous, ils les faisaient tourner, tu vois. Incroyable. Ok. Incroyable. Après moi je trouve pas, mais après les gens, voilà, je sais pas. Ouais. Moi c'était vraiment s'il y a la casquette, mais sans la casquette. Sans la casquette. En plus il met pas de casquette Fianso donc. Mais sans la casquette, j'irais plutôt Fred de Omar et Fred. Tu vois. Ça change la donne là. Ah là c'est pas du tout pareil. Ah c'est pas le même délire, mais bon. C'est pas le même délire. Il y a un truc. Ok. J'avais une autre question du coup parce que j'ai fouillé. Et en fait, il y avait un clip que j'arrivais pas à retrouver, que j'ai fini par retrouver. Donc, c'était le clip La Nuit. Donc, le clip La Nuit qui date d'il y a 8 ans, donc qui était tourné à Vesoul. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est fait à l'époque? Donc là, il y a Nobio qui est là, il avait participé. Nobio, il est parti. Il y avait Dynamest, il y avait Specimen. Il y avait Sekel. Kaessa. Il y avait ta sœur aussi. Il y avait du Denis, people sur son son. Ouais. Est-ce que tu peux nous c'était nous un projet commun, mais il y avait plusieurs morceaux sur une mixtape qui était sortie, qui s'appelait Identité 70. Okay. Chacun avait ses morceaux. Ils avaient un morceau, je crois, Nabil avait un morceau tout seul, ou deux même. Hein. Ouais. Et puis on a fait un clip sur ce projet, la chanson qui était en commun. Quoi. Ok. Voilà. Parce que du coup, en retrouvant ça, tu vois, je me suis dit, mais en fait, il n'y a pas trois rappeurs à Vesoul. Tu vois ce que je veux dire? Non, puis là, il n'y en a plus trois maintenant. Et est-ce que aujourd'hui, tu penses 8 ans après, un truc comme ça, genre version 2019, ce serait possible? Franchement? Ouais. Je pense pas. Ah ouais? Ouais. C'est plus. J'sais l'époque pas, a changé, quoi. C'est compliqué, les crews, tu sais. C'est compliqué de s'entendre sur tout, tu vois. Il y a beaucoup de monde. Et lui, tu vois, il sait, on l'a fait. On l'a pas fait que pour Identité 110, on avait fait Scriptural Music. Ça a été encore bien plus compliqué, tu vois. Okay. Plus il y a de monde, plus. Pokémon, attrapez-les tous. Ok, d'accord. Ouais, puis il y a les affinités, puis il y a ci. C'est mieux de se rencontrer, je pense, pour un morceau commun, tu vois. Okay. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, tu vois. De faire une mixtape ou un album, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ouais, ok. Bah, en tout cas, franchement, tu sais quoi, je suis retombé sur le truc et ça m'a fait plaisir, en fait. Tu vois, j'avais l'impression de redécouvrir le bail, tu vois, d'il y a 8 ans. Comme s'il venait de sortir, tu vois, alors que je le connaissais, tu vois, à l'époque, il n'y avait pas 300 clips, tu vois, qui sortaient. C'était pas comme aujourd'hui, donc. C'est ça, là. Ah, c'était. Tu l'avais ou pas? Je l'ai pas vu, mais j'espère juste qu'il a été tourné la nuit, parce que du coup. Je vais aller checker après. S'il y a une scène de jour, non, je vais laisser des commentaires. Donc, du coup, pareil, pour revenir aux scènes, vu que je t'ai vu pas mal sur scène, Zif, j'espère que je te verrai sur scène. Ouais, j'en ai fait une ou deux. Il a fait le 40 ans du lac avec moi. Ok, d'accord. Ouais, je fais les 40 ans. Parce que nous, du coup, ben. Il y a pas longtemps, on a fait un événement. On l'a pas fait au final. Ouais. Ok. On a fait il y a pas longtemps un événement au Montmarin à l'Espace Vie. Ok. Ouais, je fais un événement. Ouais. Et là, il y a des scènes de prévues là pour cet été? Pour le moment, il y a pas rien. Je vais vous booker avec un million de balles. Je vous book. Rien de concret, on va dire. Ouais, rien de concret en fait. Ok. Voilà. Ok. Est-ce que vous avez peut-être une scène qui sort du lot, meilleur souvenir, plus qu'une autre? Franchement, dire la vérité, j'ai pas besoin de remonter loin, la dernière. Ouais, la dernière, franchement, la dernière. C'était un grand kiff. Déjà, c'est un plaisir de monter avec lui sur scène. Sur la scène, franchement, c'était du lourd. Et ouais, franchement, c'était lourd. Public au rendez-vous. C'est passé quoi? Bah, c'était lourd, le public était là, tu vois. Ça fait toujours plaisir, tu vois. C'était des fois, il n'y a pas besoin de remonter 10 ans en arrière. Mais... C'était... Il y a une salle au Montmartre, en fait. Ouais, c'est ça. Je mettrai une vidéo sur mon Facebook. Ok. En story et tout. C'est un peu filmé. Yes. Et pour revenir, parce que je parlais d'il y a 8 ans, mais le rap d'aujourd'hui, est-ce que le rap d'aujourd'hui, vous y retrouvez ? Est-ce que vous suivez ? Rap français, hein, je parle rap français. Rap français, bah, tu suis, hein, tu suis l'époque. Hein. Et t'adhères pas ? C'est quoi ton avis ? Ouais, j'adhère. Ça dépend les choses. J'adhère, ça dépend. Ça dépend qui, tu vois, en fait. Ouais. Il y a du rap bizarre. Non, parce qu'il y en a qui disent, le rap c'était mieux avant, tu vois, c'est un grand débat, tu vois. Le rap c'était mieux avant c'est pas aujourd'hui, l'âge d'or du rap français c'est pas 2019, c'était en 90, tu vois. C'est des grands débats, tu vois. Donc j'aime bien demander, parce qu'en général les gars qui viennent, s'ils ont 25 ans déjà, c'est bien, tu vois. Donc c'est pour ça que je pose la question aux plus anciens, tu vois. Donc plus ou moins en fait, selon les mecs... Niveau des textes, à l'ancienne, c'est mieux. Ok. Faut dire la vérité. Après, niveau instru, tout ça, voilà, ce qui te fait aujourd'hui, ça se fait, c'est mieux qu'avant, quoi. Faut yes. La vérité. Ok. Okay. Moi, j'ai encore une question, argent. Vas-y, ça m'intéresse. Dans votre tête, vous avez bien sûrement un rappeur local que vous trouvez flingué, nul à chier, éclaté. Je demande pas de prénom, hein. Je demande pas de blaze, sauf si vous voulez, mais bon, c'est pas le but. Admettons que ce rappeur flingué là, il vienne, il vous dise ouais, Zif, Big, j'aimerais bien faire un son avec vous. Je vous donne 2000 balles, on fait un son et on clip tout ça, vous faites la promo, tout ça. Vous y allez ou pas? 2000 balles. Il me les avance. Ouais, il te les donne, tiens. Ouais, il me les donne, tu vois. On fait le son, on clip, tu fais la promo, tout ça pour 2000 balles. Il me les donne et puis il me verra pas. Ça, ouais, je t'ai expliqué la carotte de tout à l'heure, tu vois. Ah, moi je suis comme cette époque. J'ai une grosse rage. Carotte de grand, c'est pas la cour des grands, c'est la carotte de grand, ça. Ah oui. T'as pas vu le message derrière. C'est dur en affaire, putain. Putain, merde, attends, juste merde, vu que bah, j'avais pas de batterie, mais je reçois quand même des appels cagoulés. Ah. Comme vous savez, enfin, je sais pas si vous savez, en général, quand on est dans l'émission, les gens nous appellent en cagoulé. C'est pas des appels masqués, mais cagoulés. C'est les mecs qui mettent la cagoule direct. Donc, en général, c'est des questions par rapport à nos invités. Donc, je vais vous décrocher, puis on va écouter ce qu'ils nous racontent, ces gens-là. Oui, allô ? Question pour CDG. Pourquoi c'est Big qu'on entend tout le temps ? On n'entend jamais Zif. Il est toujours à la fin du son, le pauvre. Bah, c'est une vraie question. Bah apparemment. Hein. Apparemment. Bah faut aller sur YouTube parce que c'est pas vrai. Parce que je suis souvent en deuxième en plus. T'es souvent en deuxième ? Ah ouais. Ok, on vérifiera ça. On va. On vérifiera, mais je pense que. On va. Mes sources sont fiables. Ok, on va rechecker ça. Attends, bouge pas. J'ai encore sélectionné une autre question tout à l'heure là. Je vais vous la balancer. Oui, allô, la 25e ? Oui, là je suis en train d'écouter le son à Big Donkey Kong. Je vais vous faire écouter un extrait. Des années, rapide dans l'eau, j'ai la dalle, j'ai les dents longues, je suis à l'aise, je suis en tombe, trop palette, Donkey Kong. Mais pourquoi tu cries gros? Oh ça c'est un dos. Je l'ai possédé ce jour-là. Je sais pas. Il était énervé. T'es pas content. T'es énervé là. Comme ça. C'était le son qui était comme ça, en fait. Ouais, t'étais obligé de te vénère. Ah, t'allais chercher ça. Ah, je t'ai dit, on fouille. Après, j'ai eu un message cagoulé sur Insta qui m'a demandé... le message, c'était... Ouais, ce soir, vous recevez CDG avec B-I-G et Z-Y-F. C'est le groupe des trois lettres ou quoi ? C'est quoi le délire des trois lettres ? C'est le pur hasard. C'est le pur hasard. C'est le pur hasard. Franchement, il n'y a pas de message. Ok, c'est pas non. Le 3 gang. Non. Attends, ouais. Je faisais le calcul dans ma tête, mais non, c'est pas bon. Pourquoi ? Non, je faisais un calcul pyramidal par rapport à. Ah, on tombe sur un 666. Je vais regarder les clips si je vois des yeux, des trucs qui traînent. Non, on n'est pas loin. Les Illuminati. Non, bah, c'est bon, sinon j'avais plus rien de cagoulé. Il n'y a plus rien de cagoulé là. Bah, éteins ton téléphone. Ouais, il n'y a plus Kalash qui est cagoulé. Vas-y. Ok, bon, les gars, moi. Ce que j'aime bien faire aussi, là on va rentrer dans la partie où là c'est à vous de travailler un petit peu. Il nous reste deux sons à diffuser. Donc il y a F6. Yes. Et si je ne me trompe pas, l'intro de Zif. C'est ça. Ok. Ça vous laisse à peu près 3 plus 3, allez, environ 7 minutes pour gratter. Donc je vous explique, le thème c'est la rime facile. Je vous ai imposé 10 mots. Vous avez un petit texte à gratter, vous pouvez le gratter à deux. Vous pouvez le gratter à deux, pas de pression. Donc là, pour l'instant, j'ai 9 mots. Le 10e, ben, on va le rajouter, ce sera Jounès qui le donnera. Donc, est-ce que vous écrivez sur une feuille? Est-ce que vous écrivez... Moi, en général, j'écris sur une feuille. Mais... Ok, mais très bien, on a des feuilles. On a plein de feuilles. Donc, je vais vous donner les mots à intégrer. En gros, je vous laisse le temps des deux morceaux pour gratter votre bail. Quand les deux morceaux sont passés, c'est à vous. Vous faites la capella. Après, si vous voulez faire sur un instru, vous pouvez aussi. Okay. Et après, on balance le freestyle. Ça marche. C'est bon ? Pas de problème. Ok, vous notez ? Alors, c'est simple. Les mots, je les ai pris par rapport à votre univers et puis surtout les titres des clips, des sons. Okay. Ouais. Donc, le premier mot, c'est 7-0. Forcément. Le deuxième, c'est mot avec un S à la fin. Le troisième, c'est smoke. Le quatrième, c'est barbare. Le cinquième, c'est automne. Le sixième, c'est esthétique. Le septième, c'est CDG. Le huitième, c'est scène. Le neuvième, c'est VLP. Et puis le dixième, Jounès, tu dirais quoi ? Claquette. Claquette ? Mais à chaque fois, tu sors claquette. Ouais. Vas-y, claquette. Soleil. Donc, je récapitule les 10 mots. Il y a 7-0 ou 70, en fait, comme vous voulez. Mots avec un S. Smoke, barbare, automne, esthétique, CDG, scène, VLP. Et le mot bonus, c'est claquette. OK ? C'est parti, ça marche. Donc, je récapitule pour les auditeurs. On va passer deux sons. Pendant ces deux sons, il y a Big et Zif qui sont en train de gratter la rime facile. Yes. C'est deux solos, d'ailleurs. Ces deux solos, ouais. Donc écoutez, vous pouvez retrouver aussi les sons sur la chaîne Big Officiel, ouais. Sur YouTube, n'hésitez pas à les checker, vous pouvez nous envoyer vos réactions, tout ce que vous voulez, on est là, il n'y a pas de problème. Et puis ben, après, c'est parti, hein. Dès que les sons sont passés, on fait la rime facile, on envoie le freestyle. Pas de soucis, yes. C'est parti. La 25e, on est là jusqu'à minuit, comme d'hab.